t'as qu'un pas à faire pour t'évader de cet endroit où tu te sens cloîtré entre quatre murs ayant l'impression d'étouffer. Alors tu tournes en rond cherchant les réponses à tant de questions qui jamais n'en auront. Laisse-toi aller au son de cette mélodie où tous tes ennuis partent aux oublis. Dans un élan de joie, tu te sens revivre car maintenant tu n'as plus à subir le stress qui suit toute la journée, aussi bien le milliard que le moins fort. Tu n'es de tous ces hommes suivant son triste chemin, mais qui se soucie peu de ce que sera fait demain. Pour arriver à la conclusion qu'il faut réagir.